Descend. Oui. La descend. La descend. La descend. La Kazo. Oh oh, la descend. La descend. La descend. Divine point. La Alléluia. Oh oh oh, la descend. La descend. La descend. Divine point. Oui, Saint Martin. Oh oh oh, la descend. La descend. La descend. Divine point. Oui, des remparts. Alors, rue des remparts, c'est rue qui baille en face du poste portail Saint-Joseph là. Oui, ça relève, rue. Des remparts, la descente, hein, descend. La descente, divine point, rue du masque, hein, descend. La descente, divine point, rue Macajou. Des César, descend, la descend, la descend, la descend, divine point, oui, traversière. Alors, oui, traversière là, c'est lui qui baille en bas belle entrée. Quand on connaît le chauffeur, bus cafou, qu'on a viré. Oui, ça relève, oui, traversière. Ils ont l'autre nom encore, ils te font Bali. Bagay longtemps, t'es tout petit. Ils ont des grandes mapies. Yo, les li, oui. Captez Calin. La descend. La descend. Divine point, oui, t'es fort. Descend. La descend. Divine point, oui, bonne foi. Le moment le poil prend bruit des miracles. C'est le moment où il vient de la lumière rouge. Chauffeur quand même quoi, même pas la lumière rouge là. Il fonce. Il fonce. Mais, des automobiles qui sortent en bas. Non, rue des miracles là, bon, en Canada, quand on va aller bouter. Mais puisque chauffeur quand même quoi, la lumière rouge, il met le bas lumière vert, donc il y a un droit de passage. Avec qui on a fait collision? Avec chauffeur quand même quoi. Go! Je vais quand même encore des bons coups, détaché sur le sur tomber dans le ciment. L'aime tout ça, saucisse gaillée, saucisse voltigée, saucisse volée. L'aime tout ça, hey. Mais gros, c'est saucisse, yo. Mais non, c'est saucisse, yo. Saucisse. Aïe, aïe, aïe. Mais, des bons femmes, malheureuses avec, qui déchita en bas galerie bata. Quand on est machin de pistache, machin de surette, on chita. Femme n'a fait le pas bon. Mais l'homme on passe au bal 10 centimes, 20 centimes, 25 centimes, il est bien content. Mais pendant que la détache, c'est quand même sur tombé dans le ciment, sans se voltige à gauche à droite. Mais gros son saucisse, mais l'on gros saucisse, quand elle tombe dans l'estomac, malheureuse là. Malheureuse là, ouh! Pour bagaille, ça tombe dans l'estomac, moi, hein. Tout le monde va mourir, mais chauffeur a mouru. Femme dodo. Femme dodo. Pensez mon chéri, pensez mamie. Femme dodo. Femme dodo chéri. Femme dodo. Pensez mamie, pensez mon chéri. Femme dodo. Femme dodo. Femme dodo, femme dodo, femme dodo. Pesem mami, pesem chéri. Femme dodo. Deuxième trimestre. Regardez donc. Monsieur jeune garçon yo. Cap marché remen yo. Prends précaution non. Prends précaution non. C'est assez pour une petite moune dans la rue ou elle cause avec vous. Alors, par contre, quelques vieux français marron gagnent, on tombe pas la timounio, chérie. Pourquoi tu t'es éloigné, tu caches, tu tombes de la détresse? On va nous faire des bagages, vous comprenez? Tu commets à bien comprendre, non? Il est bien tendu, il dit, c'est quoi qu'à maman? Il prend un petit méon, le méné, ou elle caille la main. Là, il verra la main, ou cause avec la main, ou elle ou son nom enfin.